Décalage, je sais pas pourquoi, attends, je suis calé. Attends. 1, 2, 3, 4. Tu verras pourquoi ça se décale, pas pourquoi. Là, c'est bon. Là, ça a l'air pas mal. Là, c'est bon. Yeah. Thank you.

We'll be right back. Pas bien créé la batterie. We'll be right back.

Thank you.